Bien, je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Je connais quelques personnes dans cette assemblée que j'ai été heureux de retrouver et je suis particulièrement honoré de la présence de Madame la professeure, très qualifiée sur ces questions dont nous allons débattre, et puis par la ministre Amélie de Montchalin qui m'a succédé deux générations plus tard, à peu près. Ce qui fait qu'effectivement, on avait une période relativement longue. Je n'avais pas eu l'occasion de vous rencontrer auparavant et j'en suis très heureux. Poser la question, comme on me l'a posée au départ, à quoi sert un ministre de la fonction publique, apparaît une question à laquelle on pense avoir la réponse immédiate et qui est beaucoup plus difficile qu'on le pense. Ce ministre est un peu insaisissable, à mon avis. Il a occupé tous les échelons du protocole ministériel. Depuis l'inexistence d'Armanin 2017 jusqu'au sommet ministre d'État ou vice-président du Conseil, comme Maurice Thorez à l'origine. Et donc, on ne sait pas trop où le mettre dans la hiérarchie ministérielle. La deuxième remarque que je ferai sur cette identification, c'est que quand il n'y a pas d'événement majeur qui interpelle sur le fond, il ne se passe pas grand-chose de visible dans la fonction publique. Il a un statut, il y avait autrefois des rites autour de la politique de rémunération. On en parlait bien sûr, mais c'était une gestion au fil de l'eau qui ne souffrait pas beaucoup de commentaires. Quand j'ai été nommé ministre et que je me suis présenté dans le ministère, j'ai été accueilli par directeur général de l'administration de la fonction publique, qui m'a dit, vous savez, monsieur le ministre, c'est pas compliqué ici. Quand il y a un problème juridique, en général, on assure, il y a un statut, il y a une jurisprudence abondante, on a peu d'hésitation. Si on en avait, il y a le Conseil d'État qu'on peut consulter et le secrétariat général du gouvernement. Et si c'est un problème de rémunération, alors c'est pas nous, c'est le budget qui intervient. Bon. Mais les choses ne se passent pas tout le temps comme cela. Parce que lorsqu'il y a des changements, notamment institutionnels, ou des virages politiques marqués, l'administration est sommée de s'aligner sur le nouveau contexte. Ça a été le cas en 1946. Le statut général des fonctionnaires a été le dernier texte adopté par l'Assemblée nationale constituante. Ça a été le cas en 1959, où, avec l'avènement de la Ve République, il a fallu opérer un redéploiement des parties législatives et réglementaires du statut, faisant diminuer le nombre d'articles du statut de 145 à 57. Puis ça a été le cas également en 1983, où il y a eu une alternance qui faisait suite à une continuité politique de plusieurs décennies, et puis à un moment très particulier où était élue au Royaume-Uni Margaret Thatcher en 1979, Reagan en 1980 aux États-Unis, Helmut Kohl en 1982. Et au milieu de tout ça, François Mitterrand, prenant le contre-pied des orientations de ces trois équivalents dans les pays développés, eh bien, choisit une politique de gauche et par là même nécessairement administrée. Et donc, refusant le tournant libéral à ce stade, en tout cas. Ce qui montre bien qu'on est obligé, me semble-t-il, pour éclairer le présent, et puis comprendre aussi l'avenir, de faire des retours historiques. Je crois à la nécessité d'une vision historique de notre situation actuelle. Et ceci m'a conduit à distinguer, sur une période longue, du consulat et du Premier Empire jusqu'à nos jours, qu'il y avait deux lignes de force dont la confrontation conduisait à cette conception française de la fonction publique que nous connaissons aujourd'hui et qui n'a pas fini d'être contradictoire. La première ligne de force, que je qualifierais de traditionnelle, hiérarchique, fondée sur le devoir d'obéissance du fonctionnaire, c'est caractérisé par le fait que les gouvernements les plus conservateurs n'ont cessé pendant des décennies de menacer les fonctionnaires qui pouvaient manifester des velléités d'avancement d'un statut. Un statut qui avait dès lors le caractère disciplinaire. Et ceci avait conduit les fonctionnaires, leurs associations d'abord, les syndicats ensuite, à dénoncer la menace d'un statut carcan. La deuxième ligne de force, que je qualifierais de nouvelle, mais aussi démocratique, basée sur la conquête de garanties et la responsabilité du fonctionnaire, qui s'est traduite par toute une série de textes qui, peu à peu, est toujours en retard sur le secteur privé. Je pense notamment au droit de grève et au droit syndical. A essayé de conférer aux agents publics des garanties aussi importantes que celles qui étaient finalement données au monde ouvrier, puisque les choses se posaient de cette façon. Alors, il y a eu un mélange de petites lois sur le détachement, la communication du dossier, la loi Roustan sur le rapprochement des fonctionnaires, la reconnaissance du fait syndical par le cartel des gauches. On a pu parler à ce moment-là d'un statut jurisprudentiel par opposition au statut carcan. Et l'histoire montre que c'est deux lignes de force ont, me semble-t-il, quand même une belle réalité. La première, c'est la traditionnelle autoritaire dont je parlais, se termine par un texte du 14 septembre 1941, inspiré de la charte du travail de Vichy, donc xénophobe et discriminatoire. La deuxième se termine par, finalement, le statut de 1946, la loi du 19 octobre, après un très long combat interne à la CGT d'abord, qui était toujours sur la base de la revendication d'un contrat collectif, mais qui a été convaincu par un homme dont tout le monde a oublié le nom, qui s'appelait Jacques Prujat, qu'il fallait se saisir de la coquille qu'était le statut évoqué de ci, de là, avec des exceptions variés, pour mettre un contenu démocratique et acté par la loi. Finalement, il a fini par convaincre la Fédération Générale des Fonctionnaires CGT, je parle que de la CGT parce qu'il n'y avait qu'elle pratiquement à l'époque, il y avait la CFTC mais qui était ultra minoritaire, et puis finalement le cabinet de Maurice Thorez a été convaincu et le ministre lui-même. Alors, comme élément d'identification, on a aussi deux déclarations qui s'apparentent à des définitions de ces deux lignes, qui ont été formulées par des acteurs majeurs de cette transformation, Maurice Thorez et Michel Debré. Maurice Thorez, à la fin d'un débat très dur pour faire passer le statut qu'il avait finalement élaboré, lorsqu'il a été voté, à l'unanimité. Après 4 heures de discussion, sans discussion générale, pour 145 articles, il conclut en écrivant ceci. Le fonctionnaire a garanti dans ses droits, conscient en même temps de sa responsabilité, devenu un homme et non le rouage impersonnel de la machine administrative. La deuxième définition est de Michel Debré, que je dis tout de suite, je ne réduirai pas à cette phrase qui est trop facile, en quelque sorte. Il a apporté une contribution à la fonction publique que je ne contesterai certainement pas. Mais dans son livre « La mort de l'État républicain », publié l'année suivante, il écrit « Le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, il travaille et il se tait. » Ultérieurement, on appellera la première définition celle du fonctionnaire citoyen et la seconde celle du fonctionnaire sujet. C'est sous cet éclairage qu'il faut, à mon avis, examiner la manière dont s'est fait l'état des lieux actuels. Je voudrais tout d'abord peut-être évoquer, parce que ça peut vous intéresser, la manière dont s'est constitué le gouvernement et la manière dont j'ai été finalement désigné comme ministre de la fonction publique, ce qui n'était pas prévu du tout. Examiner les conditions particulières de ma nomination. Lorsque François Mitterrand a été élu en 1981, s'est posée la question de la participation des ministres communistes au gouvernement. C'était une question essentielle. Mais comme nous avions perdu relativement ces élections par rapport au Parti socialiste, à la faveur de ce rééquilibrage, il s'est produit ce qui se produit toujours. L'effet majoritaire du contexte institutionnel a fait que les forts ont été encore renforcés et les faibles encore affaiblis. Sur la représentation des différents courants au gouvernement, le Parti communiste était pour une représentation au prorata des voix obtenues par les différentes composantes de la majorité présidentielle. Tandis que François Mitterrand, dans son livre « Ici et maintenant », était pour un partage au prorata des élus, des députés. Et le choix du président de la République renforçait encore l'effet majoritaire de cette répartition. Mais comme on avait perdu le premier round, eh bien on s'est dit « c'est la règle ». Du président de la République nouvellement élu qui va s'appliquer. Sur cette base, et dans une discussion avec Guy Bréban, que tout le monde sans doute connaît ici, cet éminent juriste de droit administratif qui était plus ou moins communisant, à défaut d'être vraiment communiste, je crois, eh bien, on s'est dit, sur la base de ce qui existe, des éléments qu'on a, ça fait combien pour les uns et pour les autres? Il y avait un gouvernement de 42 membres. J'ai fait la règle de 3, et j'ai vu qu'on avait droit à 5,6 emplois ministériels. C'était une base de négociation avec le Parti socialiste, d'autant plus qu'on appliquait la règle fixée par le président de la République lui-même. Lorsque le lendemain, c'était le 23 juin 1981, la veille d'un Conseil des ministres qui avait lieu le 24, je me retrouve dans le bureau de Georges Marchais avec Charles Fitterman qui avait conduit les négociations avec le Parti socialiste et puis moi donc, et qui travaillais avec eux très directement. On discute, Marchais propose à Charles Fitterman d'être le chef de file des ministres communistes et donc ministre d'État, puisque tous les courants du Parti socialiste avaient un ministre d'État. A fortiori, le Parti communiste pouvait en exiger un. Il demande à Charles Fitterman quel ministère on pourrait demander pour toi. Et Charles Finkelman dit, quand j'étais gosse, j'aimais beaucoup le tramway de Saint-Étienne. Et donc, les transports, ça m'irait très bien. Puis, il se tourne vers moi, Georges Marguerite, il me dit, il faut que toi, tu y ailles aussi. Qu'est-ce que tu veux ? Alors, je lui dis, moi, je n'avais pas réfléchi, hein, parce que je ne faisais pas partie de l'appareil du parti. Je n'ai jamais été permanent du Parti communiste. J'ai toujours eu un métier à côté. Donc, je n'étais pas classé dans la hiérarchie proprement dite du Parti communiste. Et alors là, j'ai réfléchi rapidement. D'une part, j'avais un long passé syndical d'un quart de siècle que j'avais traité d'une manière assez juridique, en définitive. Quand il y avait une revendication qui était mûre, je rédigeais un projet de proposition de loi que j'envoyais aux groupes communistes et socialistes en leur demandant de déposer si ça les intéressait. Il y en a eu plusieurs de déposer pour cette raison. Mais surtout, j'avais une expérience de terrain comme militant de base. Donc, je connaissais bien la fonction publique. Et puis, par ailleurs, j'étais économiste, après avoir été ingénieur à la météorologie nationale, j'étais économiste au ministère des Finances, dans la direction de la prévision que venait de créer en 1965 Giscard d'Estaing. Et donc, j'avais une double qualification, si on veut, à la fois de connaisseur, de bon aloi, de la fonction publique et d'économistes chargés au surplus d'un bureau sur la politique industrielle conduite par Giscard d'Estaing. C'était l'époque de l'impératif industriel, un livre de Lionel Stolyru. Et ce qui combinait les deux qualifications, si on veut, c'était les PTT, qui avaient un budget annexe, qui faisait partie de la fonction publique et qui avait une dimension commerciale et industriel. Alors j'ai avancé les PTT. Ça a été envoyé au Parti socialiste et c'est revenu aussitôt avec un accord pour les deux noms et les deux portefeuilles. À partir de là, il s'en est suivi des heures très, très compliquées. Parce qu'il n'y avait pas eu de négociation entre le Parti communiste et le Parti socialiste sur aucun des paramètres de la nomination des ministres. Et là, comme on avait été battu aux élections, il nous était difficile de prendre l'initiative. Elle a été prise quand même avec ces deux noms qui ont été proposés et qui ont été acceptés. Et là, à partir de là, on a attendu. Et il ne s'est rien passé. Ça a conduit Georges Marchais à demander audience à Pierre Mauroy, d'aller le voir, et Mauroy lui a dit, ben, vous savez, ben, c'est terminé. Vous avez eu votre place. Alors, évidemment, Georges Marchais, pour ceux qui s'en souviennent, a dit « c'est pas possible, quoi. Dans ce cas-là, on ne va pas au gouvernement. » Et il est reparti. L'affaire s'est terminée dans un bistrot de la place de la République où se sont donné rendez-vous Guy Brébant, au nom du Parti communiste, si on veut, hein, tout ça est informel, et puis Jacques Fournier, qui était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Bérégovoy étant secrétaire général. Et là, Jacques Fournier dit à Guy Brébant, « Bon, ben, écoute, la position de Mitterrand est la suivante, vous avez droit à 4 ministres, et on ne bougera pas, dont un ministre d'État. » Alors, à ce moment-là, chacun rentre chez soi, et le Parti communiste a vu qu'il ne pouvait pas demander plus, quoi, donc on acceptait cela. Deux postes étaient donc déjà pourvus, Fetterman et moi. Et puis, dans le courant de la discussion, on a présenté plusieurs candidats pour les deux autres postes, notamment des femmes qui ont été récusées par le Parti socialiste, par Mitterrand. Plusieurs femmes ont été proposées. Et on nous a fait comprendre qu'il ne fallait pas insister. Il n'y aurait pas de femmes communistes dans la partie communiste. La même chose s'est produite pour les responsables syndicaux. On a proposé plusieurs syndicalistes refusés. Pas de syndicalistes soupçonnés de communisme. Après avoir été humiliés pour n'avoir pas eu nos 5,6 emplois ministériels, puisqu'il n'y en avait que 4, ici et là, on prenait pour un ministre d'État, on prenait un emploi et demi, ça faisait 4,5 sur 5,6. On perdait un ministre dans le jeu. Et là, on n'avait pas le droit de présenter des femmes, ni des représentants syndicaux. Moi, je l'avais mauvaise, hein, mais c'était un peu l'euphorie, malgré tout, ce qui fait que j'étais un des rares à faire la tête, quoi. Hein. Bon, enfin, tout cela semblait bouclé vers le milieu de l'après-midi, lorsqu'on apprend que le ministre des PTT en titre, Louis Mexando, ne voulait pas s'en aller et me laisser la place. Alors, je ne sais pas de quels appuis il disposait pour pouvoir contrer François Mitterrand avec succès, mais enfin, c'était le cas. Finalement, Bérégovoy nous propose de m'attribuer la consommation. J'ai dit que ce n'était pas une bonne manière, parce qu'après nous avoir spoliés de plusieurs façons, on pouvait exiger un ministère plus proche des fonctions régaliennes. Alors est venue aussitôt la proposition de la fonction publique, qu'occupait pendant le premier mois Catherine Lalumière, qui était professeure de droit public et qui préparait cette promotion depuis des années. Donc elle avait été dépossédée de son titre pour me calmer, en quelque sorte. Et puis, on lui avait attribué la consommation, ce qui ne devait pas faire son affaire, mais elle avait accepté de... sans doute par discipline, quoi, de parti. Alors, j'ai dit à Georges Marchais d'accepter, mais sous réserve qu'on ajoute à fonction publique et des réformes administratives, car je ne voulais pas être le seul ministre des fonctionnaires. Il me semblait qu'il fallait qu'il y ait une dimension des usagers de la fonction publique, ce que permettait l'appellation réforme administrative. Refus de Bérégovoy. Bon... qui ne voulait pas rajouter cela. Puis, on était déjà, il était 7h30, et Mitterrand avait dit qu'il voulait que ça soit annoncé dans le journal télévisé de 20h. Alors, on attend un peu, et puis Bérégovoy rappelle en disant, bon, d'accord pour ministre de la fonction publique et des réformes administratives, mais à condition qu'il soit délégué auprès du Premier ministre. Alors là, j'ai dit qu'il fallait accepter pour deux raisons. La première, parce que je connaissais Pierre Mauroy et que j'avais de bonnes relations avec lui, qu'il était syndicaliste et fonctionnaire lui-même, très lié à la Fédération de l'Éducation nationale qui existait alors. Et puis, être ministre délégué auprès du Premier ministre, c'était une place protocolaire située, à l'époque en tout cas, je ne sais pas comment c'est maintenant, entre les ministres d'État et le ministre de plein exercice. Ce qui fait que c'était un bon rang dans le protocole, si vous voulez. Et là, on pouvait accepter. Et on a donc accepté. Mais je me remâchais malgré tout l'amertume des vexations qui nous avaient été opposées dans un premier temps. Ce qui fait que quand j'ai été en mesure de constituer mon cabinet, un peu par provocation, mais aussi par choix judicieux, j'ai choisi comme directeur de cabinet celui qui venait d'être pendant 10 ans patron des fonctionnaires CGT, René Bidouze. Il avait été secrétaire général de l'Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT, que je connaissais depuis très longtemps. C'était un très bon technicien de la fonction publique, notamment en matière de politique salariale. C'était un homme parfaitement intègre. Et il avait une autre qualité, c'est qu'il était bien vu de ses collègues dirigeants des autres fédérations. Parce que c'était quelqu'un de bien, quoi, tout simplement. Et il avait donc une grande expérience. Moi, j'en avais une aussi, ce qui fait qu'on formait un duo qui, sans qu'on ait rien prévu avant, tout ça était très nouveau, il s'est passé finalement quelques heures, eh bien, on était relativement armés pour commencer à travailler. Alors, travailler dans la fonction publique, comment on voyait ça ? bon, pour les rémunérations, c'était tellement rituel qu'on était dans un contexte porteur. Et donc, on savait qu'on aurait et des augmentations et des emplois créés. 36 000 emplois ont été créés dans la première année. Et des revalorisations indiciaires substantielles, tout au moins la première année. Donc, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Ce qu'on avait décidé de faire aussi rapidement, c'est d'intégrer dans le statut, qui n'était que statut des fonctionnaires de l'État, toute une série d'éléments jurisprudentiels qui n'y étaient pas, comme par exemple le droit de grève, tout simplement. Et donc de nourrir le statut par des éléments jurisprudentiels et puis de le compléter à due concurrence pour ce qui serait réclamé. Donc c'était notre... Ça a été chamboulé, et puis il y avait aussi l'idée assez vite germée de quelque chose qu'on appelait une charte des relations entre l'administration et les usagers, pour illustrer l'intervention que tu avais faite pour rajouter réforme administrative. Donc on avait quand même un programme de travail qui était assez clair, mais tout ça a été bouleversé par l'annonce très rapide par François Mitterrand de la priorité absolue qu'il accordait à la décentralisation, et dont il avait demandé à Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, qu'il prépare un projet de loi et que ce serait l'un des premiers textes qui serait adopté par le nouveau cours des choses. À partir de là, et à partir du moment où Gaston Defferre a mis dans l'article premier de son projet de loi qu'il y aurait de nouvelles garanties pour les fonctionnaires territoriaux, pour les agents publics territoriaux plutôt, on s'est demandé, mais comment ? Jusque-là, les territoriaux, on appelait aussi les communaux, parce que c'était la grande majorité, étaient gérés par des dispositions du chapitre 4 du Code des communes. Mais c'était des bribes qui ne formaient pas un ensemble très, très cohérent. Et là, avec des garanties renforcées, on s'est dit, il y aurait peut-être la tentation de mettre ça en forme sous forme d'une autre fonction publique, qui serait dès lors une fonction publique d'emploi, opposée à la fonction publique de l'État, qui était une fonction publique de carrière. Et me souvenant de mes études d'économie, j'avais fait tout un cursus de sciences économiques quand il avait été créé, je me suis souvenu de la loi de Gresham, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent sans doute, qui veut que quand dans un pays il y a deux monnaies, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Et je me suis dit, par analogie, s'il y a deux statuts, un de carrière et l'autre de l'emploi, eh bien c'est le moins bon statut qui va chasser et tout le monde sera tiré vers le bas. Et donc, les choses n'étaient pas simples, parce que même dans mon cabinet, les gens ne partageaient pas ce raisonnement. Et mon directeur de cabinet, qui était un fonctionnaire des finances, avait un sens de la hiérarchie syndicale, parce qu'il y avait la hiérarchie syndicale, avec tout en haut les finances, en dessous les corps techniques, et en dessous, mais il n'était même pas dans la famille, les communaux. Et cette hiérarchie existait dans la société, mais elle existait aussi dans le monde syndical. On ignorait complètement la Fédération des services publics, qui s'appelle d'ailleurs toujours Fédération des services publics, mais qui recouvre en réalité les communaux. Et moi, ça m'a servi quand même d'avoir passé une partie de ma jeunesse en Bretagne. Les communaux, je connaissais et m'étais arrivé de leur demander quel est votre statut. Et ils répondaient souvent avec un peu de honte. On est assimilé fonctionnaire. Alors, je me suis dit que peut-être il fallait saisir l'occasion pour mettre tout ce monde-là ensemble. J'ai demandé à Mauroy d'intervenir dans la discussion générale après Gaston Defferre, ce qu'il a accordé. Et je suis intervenu pour dire, non pas ce qui a été le produit final jusqu'à aujourd'hui, mais pour dire on ne peut pas traiter séparément les territoriaux de l'État. Il faut il faut que ce soit un grand ensemble. En fait, dans ce jeu-là, moi, je représentais plutôt l'unité et Gaston Defer la diversité. Et le problème, c'était de résoudre cette contradiction constitutionnelle entre l'article 1er et l'article 72. L'unité et l'indivisibilité de la République, d'une part, et la libre administration des collectivités territoriales, d'autre part. Et donc, j'ai fait une déclaration qui est reprise du journal officiel dans le livre que nous avons écrit avec Essieri, comme un certain nombre de choses, d'ailleurs, dont j'ai parlé déjà, dont je vais parler. Alors, évidemment, ça a fait du chahut, parce que, surtout, pas tellement de Defer, qui était un politique aguerri et qui avait autre chose à faire, mais d'un de ses conseillers techniques qui a été connu après, Olivier Schrammeck, qui a présidé le Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est ça, qui était conseiller d'État aussi. Mais qui, lui, il ne devait pas nous aimer, sans doute, mais enfin, qui nous a mené la vie dure. Finalement, on avait mis les établissements publics hospitaliers dans la territoriale. Alors, il y a eu des réactions et on l'a sorti pour faire finalement les trois versants en question, l'État, territorial, hospitalier. Il y a eu toute une série de demandes conventionnelles. Les agents de Paris ont demandé à voir leur versant. Chevènement a demandé un statut autonome pour les chercheurs. Enfin, moi j'ai toujours résisté. J'étais d'accord pour qu'il y ait un minimum de décentralisation à travers les trois versants, pour que les spécificités des uns et des autres soient respectées, mais pas un démembrement. Et finalement, tout ça s'est terminé au mois de mars par une communication au Conseil des ministres où on a acté, et le président de la République a donné son patronage à une fonction, à la fonction publique à trois versants. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, ça a été, pour la fonction publique, le 16 mai 1983, c'est-à-dire ce qu'on appelait le tournant de la rigueur ou bien le tournant néolibéral. Jusque-là, on avait travaillé comme on l'avait prévu. Il y avait eu des rémunérations correctes, je suis peut-être long, qu'on me dise. Continue un peu. Bon. Écoutez, vous m'arrêtez. 5 minutes. Ça sera un peu difficile, 5 minutes. Bon. Mais je suis dans le sujet quand même, non? Ah oui, complètement. Complètement. Bon, alors. Les rémunérations, ça avait été satisfaisant. La charte, je l'avais confiée à des universitaires qui travaillait au rythme des universitaires, c'est-à-dire pas aussi vite qu'un cabinet, et donc ça a créé des difficultés. Et quant au statut, on a travaillé surtout sur le titre premier qui fixait le cadre général des droits et obligations, et pour le reste, on s'en remettait dans le temps aux intéressés, aux ministères concernés par la chose. Voilà. Et puis a intervenu le 16 mai. Pourquoi je dis le 16 mai? Parce que c'est le 16 mai que j'ai appris que Jacques Delors, à Bruxelles, en échange d'un emprunt de 4 milliards d'écus, avait accepté au nom du gouvernement français la désindexation des salaires par rapport au prix. J'ai compris à ce moment-là que c'était la ruine de la politique salariale que je conduisais dans la fonction publique et dont j'ai dit qu'elle était très rituelle et les syndicats tenaient beaucoup à cette politique. Ça a été la mort de la négociation sur les salaires qui ne s'en est pas remis depuis. Sur la charte, François Mitterrand, dans ses vœux au corps constitué, a dit tout le bien qu'il en pensait. En janvier 83, pour nous sommer en mars 83 de ne pas continuer, que tout ça se réglerait par décret et par la vie véritable et pas par les textes, ce en quoi il n'avait pas tout à fait tort, ce point-là. Voilà. Et quant au statut, la chose avait été lancée et et elle était lourde. Et donc, il n'était pas au pouvoir de grand monde de faire obstacle à l'évolution statutaire telle qu'elle a été prévue. Alors, après tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de ce parcours compliqué qui a une continuité historique entre le statut de 46 que j'ai qualifié de statut fondateur, le statut de 59 qu'on pourrait qualifier de continuateur, quoi, mais qui a apporté sa contribution en ce sens que le général de Gaulle, qui était un adepte de la planification à la française, qu'il considérait comme une ardente obligation, se situait obligatoirement dans un moyen et long terme. Et on ne pouvait pas faire du court terme et de l'annualité budgétaire avec la fonction publique si pour l'industrie on faisait une politique à long terme. Donc finalement, ça renforçait le système de la carrière qui était déjà prévu en 1946. Et puis le statut dont j'ai présidé l'élaboration, que je considère comme le statut fédérateur dans la mesure où il a réalisé donc cet ensemble de fonctions publiques à trois versants. Alors, quelques mots très brefs sur le contenu de ce statut. Il est le résultat de quatre choix. Le choix du fonctionnaire citoyen et non du fonctionnaire sujet tel que je l'ai défini précédemment. Deuxièmement, le choix du système de la carrière et pas de l'emploi, de la fonction plutôt que le métier, qui lie trop le fonctionnaire à son activité. La fonction publique a trois versants, qui réalise un équilibre dont on n'est jamais sûr, parce qu'il peut évoluer en plus entre unité et diversité. Et puis j'ai tenu à rattacher le statut à trois grands principes ancrés dans l'histoire. Le principe d'égalité, article 6 de la Déclaration des droits de l'homme. Le principe d'indépendance, État des officiers, 1834, loi Gouvion-Saint-Cyr. Et le principe de responsabilité, article 15 de la Déclaration des droits de l'homme. Beaucoup de colloques depuis se sont organisés autour de ces trois idées, pour faire des tables rondes. Alors, j'en terminerai par là. Quelle a été l'attitude des différents partenaires, des différents acteurs? Et là, je ne veux pas être provocateur. Mais les syndicats, unanimement, ont soutenu ces réformes, notamment la réforme statutaire, unanimement. Les députés à l'Assemblée nationale ont essayé de mener une fronde au début sous la conduite de Jacques Toubon, considérant qu'il s'agissait d'un statut communiste, d'un statut après socialiste, puis après il n'y avait plus de grain à moudre. J'ai espéré à un moment pouvoir faire voter ce statut. Il s'agissait dans ce moment-là que du titre premier, hein, la loi du 13 juillet 83. J'ai espéré obtenir unanimité. J'ai demandé à Jacques Toubon, je lui ai dit... puisque maintenant il n'y a plus de désaccord entre nous, votez. Il m'avait fait une réponse qui ne voulait rien dire. Il me dit non, parce qu'on n'est pas des naïfs. Alors, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Il y a eu quelques députés de droite qui l'ont voté quand même, mais les autres n'étaient pas là. Ils n'étaient pas venus en séance pour les votes de la fin. Ensuite, il y a aussi les maires. Les maires étaient très réticents, y compris les associations de maires qui soutenaient, avec le relais du Parti socialiste et du Parti communiste, qui soutenaient la majorité présidentielle. Mais par discipline, les uns et les autres n'ont pas dit grand-chose. Sauf que je me suis fait engueuler, moi, pendant des années ensuite, quoi, hein, où on me reprochait, en mélangeant gestion et statut, de tous les maux qui pouvaient survenir dans la fonction publique. Les choses ont beaucoup évolué aujourd'hui. Je suis invité au Congrès des maires, j'ai les meilleures relations avec le CNFPT, avec la Fédération nationale des centres de gestion départementaux. J'ai lu il y a quelques jours un communiqué de la coordination des élus territoriaux que je suis prêt à signer. Il est excellent sur des bases que j'approuve totalement. Donc, je considère qu'il n'y a plus de problème avec les élus. Donc, Pierre Mauroy a été un soutien. Il ne m'a jamais donné une directive. Il était très informé par la Fédération nationale, la Fédération de l'éducation nationale, qui d'ailleurs était quelquefois mieux informée que moi, puisqu'elle voyait Pierre Mauroy assez souvent. Et puis, ma deuxième chance, ça a été François Mitterrand, qui, lui, ne s'intéressait pas du tout à la fonction publique. C'était une chance, car le tournant dont j'ai parlé ayant eu lieu, eh bien, il a commencé à dénigrer beaucoup, notamment lors du passage du titre 4 en Conseil des ministres à l'automne 85. Mais il a dit, bon, ben, comme c'est moi qui ai patronné tout ça, je laisse passer, quoi. Mais ce statut ne durera pas longtemps. Ça fait quand même 40 ans. Le premier avait duré 12 ans, le second 24 ans, et celui-ci, on vient de fêter le 40e anniversaire. Certes, dans un état qui n'est pas celui d'origine, mais enfin, c'est comme ça. Voilà, je m'arrêterai là, c'est-à-dire en 86, et je laisse la parole à Madame la Ministre.